Le WordPress Photo est une organisation indépendante et non lucrative qui récompense chaque année les photographies de presse les plus marquantes. Chaque ville qui accueille l'exposition de ses clichés y apporte sa spécificité et ses problématiques. L'édition montréalaise se tient déjà depuis une semaine au marché Bon Secours, et ceci jusqu'au 27 septembre. Nous avons avec nous le rappeur, acteur et photographe Samian, qui est le porte-parole de cette édition 2015. Merci Bonjour. D'être avec nous. Merci, ça fait plaisir. J'aimerais vous poser comme première question, quelles sont les particularités de cette édition montréalaise, tant par rapport aux sujets qui sont abordés qu'aux organisations qui participent? Ben évidemment, comme à chaque année, c'est sûr que bon, le WordPress fait quand même partie de l'actualité, si on peut dire ça comme ça. Je veux dire, c'est du photojournalisme à la base, et puis c'est très, c'est surtout basé sur un concours. Je pense que bon, il y a des prix qui sont remis à plusieurs photographes, mais parallèlement à tout ça, au deuxième étage, il y a des expos parallèles aussi qui sont là, comme Oxfam, qui sont exposés, il y a RDI aussi qui ont des reportages, il y a l'exposition Deadline, et cette année, il y a Wapikoni Mobile, dont je suis aussi porte-parole, qui sont exposés, et pour la première fois aussi, on expose mes photos. J'ai trois de mes clichés qui font partie de l'exposition. Donc, je pense que le côté unique de cette année, c'est justement peut-être la présence de Premières Nations canadiennes à travers l'exposition du WordPress Photo. Est-ce que, de ce fait, vous pouvez nous parler de Wapikoni et de leur travail et de qu'est-ce qu'ils font avec les communautés autochtones? Ouais, Wapikoni, ben évidemment, tu sais, WordPress, c'est le fun parce qu'en fait, c'est le 10e anniversaire cette année. Wapikoni, on a fêté le 10e l'année dernière, donc ça fait 11 ans que Wapikoni, c'est une roulotte qui part dans les communautés autochtones partout au Québec. Et maintenant, même un peu partout à travers le Canada, et ça descend même vers l'Amérique du Sud, mais c'est ça, c'est des formateurs qui partent dans les communautés avec les jeunes pour leur initier à la nouvelle technologie, à faire du cinéma, à justement s'occuper des studios d'enregistrement, faire des films, s'occuper du son, faire leur montage. Et ils ont accès à des formateurs pendant un mois dans leur communauté pour réaliser ce genre de projet, que ce soit musical, que ce soit du côté du cinéma. Donc, les jeunes ont un mois pour réaliser des courts-métrages. Et suite à tout ça, bon, mais ça fait 11 ans que ça roule, mais il y a eu tellement de films et de prix qui ont été gagnés dans les festivals un peu partout à travers le monde. Et puis, et voilà, Wapikoni a la chance d'être exposé justement à WordPress. Et aussi, pour la première fois, il y a une petite section vidéo au WordPress Photo en haut qu'on peut visionner des extraits des films de Wapikoni des 11 dernières années. Et notamment, moi, j'ai vu un extrait de film qui traitait de la stigmatisation des communautés autochtones et des préjugés qu'on pouvait avoir sur eux. Et de ce fait, est-ce que vous pensez que le WordPress Photo, c'est le bon endroit pour souligner, entre guillemets, les problèmes auxquels font face ces communautés? Est-ce que c'est une bonne, entre guillemets, médiatisation de ces problèmes-là et de aussi des efforts qui sont faits et de l'avancée qui est faite vers ces communautés? Ben, pas juste sur ces communautés-là. Je pense que là on parle avec le WordPress, on parle de à travers le monde, des problématiques à travers planétaires. Je veux dire que oui, Wapikoni peut montrer les problématiques chez les Premières Nations ici au Canada. Mais le WordPress est aussi une dénonciation, je pense, de ce qui est réel dans notre monde, chez nos voisins, un peu partout sur la planète. Et puis, il y a des photos quand même très chocs. Il y a des photos qui sont quand même dures à regarder pour moi, je trouve, mais pour plusieurs personnes aussi, mais je crois qu'il y a cette place là, et puis c'est ce qui fait un peu la marque aussi du WordPress Photo. C'est pas que c'est du sensationnalisme, mais c'est de la sensibilisation, je crois. C'est de d'expliquer aux gens qu'il y a des réalités qu'on veut pas toujours voir, mais qu'on se doit. Et il y a des photographes qui se donnent la mission de montrer ces images là, et puis c'est important, je pense que ça fait partie de notre monde, et puis voilà. Et de ce fait, est-ce que la photographie peut agir comme une arme à la fois sociale et politique? Oui, autant que l'art. Mais l'art en général, ça sert à ça. Autant que la poésie, autant que la musique. Tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on m'a choisi à titre de porte-parole parce que je porte une cause sociale, parce que je dénonce, parce que je suis un artiste engagé qui prend position finalement sur certains sujets qu'on veut pas aborder finalement. Je pense que oui, à travers la photo, on peut très bien. Il y a une expression qui nous dit que bon, qu'une image vaut 1000 mots et les mots valent 1000 images aussi. Je pense que ça peut servir d'une arme, ça peut servir de effectivement, je pense que la poésie, la photographie, c'est quelque chose d'extrêmement lié où est-ce qu'on peut dénoncer plusieurs choses. Et de ce fait, on va parler plus spécifiquement de votre rôle en tant que porte-parole. Comment ça s'est fait? Comment on est venu vers vous? Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers le WordPress ou comment ça s'est passé? Non, c'était une soirée. Je suis allé dans une soirée où est-ce que j'ai rencontré les gens du WordPress, les gens de Wapikoni. Et c'était la journée où est-ce qu'on a appris que Wapikoni allait être exposé au WordPress Photo. Ça s'est fait un peu, c'était vraiment étrange parce que je connaissais pas tant le WordPress Photo que ça avant, honnêtement. Et je suis allé m'informer après cette soirée-là de tout ça et j'ai vu l'ampleur que ça avait, l'existence de tout ça et j'étais plus qu'honoré. J'ai accepté le poste honnêtement avec énormément d'humilité et de respect pour ces photographes-là parce que bon, on sait qu'il y en a qui risquent beaucoup leur vie pour présenter ce genre de clichés-là. Mais on m'a approché... Non, c'est eux qui m'ont approché. Justement, dans une soirée que je m'en attendais juste pas. Manon Barbeau, du Wapikoni, était là. Et certaines personnes de l'organisation du WordPress étaient là aussi. On me parlait de mes photos. On savait que je m'intéressais beaucoup à la photographie. Et puis, je pense que le lien s'est créé assez rapidement. Ouais. Et donc, l'exposition dure jusqu'au 27 septembre. Exact. Et une fois que l'exposition va terminer, comment ça va se passer pour que ce soit le Wapikoni ou que ce soit les photos du WordPress Photo? En fait, c'est quoi la continuité de ça? Est-ce que c'est juste... L'exposition voyage beaucoup. Elle se ramasse dans plus de 100 villes à travers le monde. Donc, au Canada, il y a 4 villes. Elle a commencé à Ottawa, là elle est à Montréal en ce moment. Après ça, elle s'en va à Toronto et à Chicoutimi aussi. Mais sinon, ça voyage énormément pendant l'année. Évidemment, ça part à Amsterdam. Et puis, c'est une exposition qui voyage, une exposition itinérante. Où est-ce que toute l'exposition je connais peut-être pas les détails par ce qui se passe avec Wapikoni, avec Oxfam et RDI en haut. Peut-être que c'est du local à chaque place où ils vont. Mais l'exposition, le concours en soi, évidemment, voyage dans plusieurs villes. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Ça fait plaisir. Merci à vous.